Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces Auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamo, 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa de Chibougamo souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamo qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamo est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamo est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de la chronique du club de golf de Chibougamo avec Michel Lallemand. Comment dites d'ailleurs du club de golf de Chibougamo et Autopièce Auto Napa? Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, comme d'habitude, on va commencer avec Pierre-Alexandre Bédard qui est en tournoi à partir d'aujourd'hui. Oui, à Victoriaville, donc un gros tournoi du Pro Tour Canada. Beaucoup d'argent en jeu. OK. Mais aussi une très très grosse compétition, parce que beaucoup de joueurs de l'extérieur, Ontario, aux États-Unis. Donc, un gros défi de golf pour Pierre-Alexandre en fin de semaine. OK, OK. C'est évidemment un gros, gros tournoi. Parle-moi maintenant du Super Calcutta qui a eu lieu la semaine passée, je pense. Oui, c'est terminé samedi dans la pluie, mais dans la joie, parce que on a eu 80 participants et participantes. Toute la semaine, on a eu une très, très bonne participation. Et samedi, pour la dernière ronde, ça a été excellent. Donc, ça s'est gagné par l'équipe de Jeff Richey à moins 26, suivi de l'équipe de Serge Drolette à moins 24. Okay. Donc, une très, très belle semaine de golf. On était bien satisfaits. Il y avait combien d'équipes? Il y avait 16 équipes. De 5 joueurs. Ah, OK. Donc, c'est une bonne affaire. Maintenant, on va parler de votre visite hier qui a eu lieu à Saint-Prime. J'ai fait la chronique du club de golf de Saint-Prime. C'était très apprécié par Saint-Prime. J'imagine que Chibougamo, ça a été également apprécié. Oui, ça a été très apprécié. On était une vingtaine qu'on rendait la politesse à nos amis de Saint-Prime qui étaient venus l'année dernière. Donc, on veut faire une espèce d'happening d'une année à l'autre, où on a des visites amicales, une petite formule de golf amicale, et ça s'est terminé par un excellent souper. Donc, les membres ici ont très apprécié leur visite à Saint-Prime hier. Puis Saint-Prime, vas-tu se rendre à Chibougamo? Pardon? Saint-Prime, vas-tu aller à Chibougamo? Est-ce que c'est vice-versa? L'année prochaine. L'année prochaine, OK, c'est une fois par année. Okay. Oui, donc, on a une visite par année. Okay. Puis on alterne d'un club à un autre. OK. Si on y allait maintenant avec en fin de semaine le championnat du club. Oui, dans le fond, samedi, dimanche, championnat du club, 6 classes, 4 chez les hommes, 3 chez les femmes, dans toutes les catégories. On attend une quarantaine de participants et participantes, même si la température ne sera pas au rendez-vous de ce qu'on prévoit. On devrait avoir une très belle compétition malgré tout. OK, OK. Fait que on s'attend évidemment à quelque chose de bien. Ben, Michel, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Fait le tour cette semaine, on s'en reparle la semaine prochaine. C'est la chronique du club de golf de Chibougamo présentée par Autopièce, Auto Napa et également le club de golf de Chibougamo.